Et pour terminer cet aperçu de Blaine Sandrars, voici quelques autres très courts poèmes, publiés également en 1957 dans le recueil « Du monde entier au cœur du monde ». Bijou concert. Non, jamais plus. Je ne foutrai les pieds dans un beuglant colonial. Je voudrais être ce pauvre nègre. Je voudrais être ce pauvre nègre qui reste à la porte. Car les belles négresses seraient mes sœurs. Et non pas, ces salvages françaises, espagnoles, serbes, allemandes, qui meublent les loisirs des fonctionnaires cafardeux, en mal d'un Paris de garnison, et qui ne savent comment tuer le temps. Je voudrais être ce pauvre nègre et perdre mon temps.